إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc l'intitulé de cette conférence est Al-Thabatu ala al-Islam, c'est-à-dire le raffermissement sur l'islam, de rester ferme dans la religion de l'islam. En premier lieu, il a précisé que dans ce thème, on ne parle pas du chemin à suivre. Et quelles sont les sources vers lesquelles il faut retourner pour être dans le droit chemin ou l'attachement au livre ou à la sunna. Là, on parle du musulman qui est déjà dans le droit chemin. Le musulman qui s'attache fermement, qui se cramponne au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui suit la voie des pieux prédécesseurs. Et qui suit les savants et les imams de la sunna. Cette personne, qui est la personne de droiture, qui fait partie du groupe sauvé et de la faction rescapée, il a besoin de rester ferme dans ce chemin droit face à tous les problèmes, tous les obstacles, toutes les épreuves qu'il doit faire face dans sa vie d'ici-bas. Et combien de personnes on a vu, des hommes, des femmes, face aux épreuves, face aux maux, déviés de la droiture, baissés dans leur foi, délaissés des enseignements et des ordres et des préceptes religieux. Donc on est tous dans le besoin, lorsqu'on est dans le droit chemin, de faire en sorte de rester ferme dans ce chemin. Et ceci jusqu'à que la mort nous vienne. Et on ne peut atteindre cela qu'en implorant Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui guide et c'est lui qui égare. Il y a des personnes qui sont guidées en partie. Ils sont dans le cercle de l'islam, mais ils ne sont pas dans la sunna. Ils ne sont pas dans la droiture, sur la voie des pieux prédécesseurs. Et il y en a qui sont guidés pleinement. Et celui qui est guidé pleinement, qu'il remercie Allah tabaraka wa ta'ala de lui avoir facilité cela. Et ceux qu'Allah égare, il y en a qui l'égarent en partie. D'un côté, ils sont musulmans, mais ils sont égarés, ils sont dans les innovations, ils inventent dans la religion, ils ne suivent pas clairement les préceptes. Et il y en a qui sont égarés pleinement, les mécréants, les polythéistes, tous ceux qui ne sont pas musulmans. Tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut dans sa création. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, alors que nous tous, on sera questionnés sur tous nos actes et nos paroles. Et lorsqu'on dit le raffermissement et de rester ferme sur l'islam, on parle du véritable islam. L'islam vécu par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vécu par les compagnons, les quatre califes bien guidés, et tous les autres compagnons, radiallahu ta'ala anhum. L'islam vécu par les trois générations, dont le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait les éloges. Voilà le véritable islam, et non pas un islam entaché par des rajouts, par des enlèvements, des innovations, des nouveautés qui n'en font pas partie. Donc on parle de l'islam authentique, purifié de tout ce qui lui a été rajouté, l'islam pur. Donc lorsqu'on dit l'attachement, le raffermissement à l'islam, on entend par là le raffermissement à la sunna. Et ici il est voulu par sunna le chemin sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la voie du prophète, des compagnons et des pieux prédécesseurs. Lorsqu'on dit le raffermissement sur l'islam, c'est sur la sunna et sur le chemin des pieux prédécesseurs et la voie des pieux prédécesseurs et la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc, j'ai pris un article concernant ce sujet qui s'intitule « Asbabu al-thabati ala al-din » les causes du raffermissement dans la religion. « Fa'inna hajat al-muslim al-yawm » لأسباب الثبات على الدين والتمسك به عظيمة جدا. Donc le besoin du musulman aujourd'hui pour les causes qui vont l'aider à être raffermi dans la religion sont énormes, grandioses. لانتشار الفتن, vu tous les troubles qui se propagent. وقلة الناصر, et le peu de secoureurs. Et aussi du fait que la religion est devenue étrangère. Il fait allusion au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Bada al-islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatouba lil ghuraba » L'islam a débuté étranger et il redeviendra étranger comme il a débuté. Alors, Toba pour ces étrangers-là, ceux qui s'attachent à la religion véritable. Et Toba, c'est soi, c'est le sens littéral qui est voulu, c'est une bonne chose. Quelle bonne chose pour ces étrangers? Ou alors, il est voulu par le terme Toba, l'arbre qui est dans le paradis, donc qu'auront les habitants du paradis, qui s'appelle Toba. Wa min tilkal asbab. Et parmi les causes qui nous aide à être raffermis dans la religion, awwalan, premièrement, al-iqbalu ala al-Qur'an al-'azim hifzan wa tilawatan wa 'amala, de s'adonner au livre sacré, le Saint Coran, en l'apprenant, le mémorisant, en le récitant, en le lisant et en le mettant en pratique, car le Coran n'a pas été révélé pour les morts, mais il n'a été révélé que pour les vivants, pour qu'ils le lisent, le récitent, le méditent, le comprennent et le mettent en pratique. فَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ, c'est l'anse d'Allah la plus solide. وَصِرَاطُهُ الْمُسْتَقِيمُ, et c'est sa voie droite, son chemin droit. مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ عَصَمَهُ اللَّهُ, celui qui s'y cramponne, qui s'y attache, Allah le préservera. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ضَلَّ وَغَوَى, et celui qui s'en détourne, qui se détourne du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera égaré et perdu. أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْغَايَةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُنْزِلَ هَذَا الْقُرْآنَ مُفَرَّقًا هِيَ التَّثْبِيتِ, et Allah le Très-Haut nous informe que le but pour lequel le Coran a été révélé par fragments, par morceaux, c'est pour le raffermissement, pour raffermir son prophète alayhi salam et les croyants. Qala ta'ala, le Très-Haut subhanahu wa ta'ala nous dit, wa qala alladhina kafaru لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dans le sens du verset, et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi graduellement, c'est-à-dire pendant une période de 23 ans, les 23 ans de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour raffermir ton cœur, et nous l'avons récité soigneusement. Thaniyan, deuxièmement, al-imanu billah wal-amalu s-salih, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et les bonnes œuvres. قال تعالى لتخودي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, les polythéistes, car les polythéistes sont des injustes. Et quelle plus grande injustice que le polythéisme? Comme a dit Luqman à son enfant, Luqman le sage, alayhi salam, à son enfant, il lui dit: Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Il lui dit: oh mon enfant, n'associe rien à Allah, car le polythéisme est une grande injustice. Et la plus grande des injustices, c'est de donner à Allah un égal alors qu'il t'a créé, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. قال قتادة رحمه الله: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset qu'il raffermit les croyants, ceux qui ont vécu dans ce bas monde avec leur foi en tant que musulmans et croyants, qu'Allah les raffermit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Al-Imam Qatada rahimahullah dit: le raffermissement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants dans ce bas monde, c'est qu'il les leur facilite l'application du bien et des bonnes œuvres. Wa fil akhirati fil qabr. Et dans l'au-delà, il les raffermit, c'est-à-dire dans la tombe. Car il est connu que lorsqu'une personne, elle meurt, son heure a sonné à cette personne. Il est parti vers le début de l'au-delà. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le raffermit dans sa tombe. Il lui facilite de répondre aux questions des deux anges, Munkar wa Nakir, qu'il pose à toute personne morte dans sa tombe. Et الإيمان بالله, il est voulu la véritable foi, la véritable croyance, le credo authentique enseigné par le Coran, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths authentiques, par les ulama de la sunna. C'est cette foi-là qui est demandée, et non pas tout ce qu'on appelle iman, tout ce qu'on appelle foi, alors que c'est en contradiction avec la vérité. Et العمل الصالح, c'est les bonnes œuvres. Mais une œuvre n'est considérée en islam comme bonne que si elle comporte ses conditions de validité. Et ces conditions de validité, c'est que la personne qui les applique soit musulman. Il croit en Allah et au jour dernier, il croit en Allah et en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il témoigne de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et elle témoigne de la prophétie du message de Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam. Donc, cette personne-là, son œuvre ne sera considérée comme bonne que s'il a deux conditions. Qui sont? Que cette œuvre soit faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que dans cette œuvre, il ne cherche rien d'autre si ce n'est la face et l'agrément et l'acceptation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il accomplisse cette œuvre en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le Coran: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné, il ne leur a été commandé que d'adorer Allah sincèrement, lui vouant un culte exclusif. De même qu'Allah nous dit dans le Coran, Ala lillahi ad-dinul khalis, n'est-ce pas qu'à Allah appartient la religion de sincérité? Fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din, adore donc Allah sincèrement, lui vouant un culte exclusif. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit concernant le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Et ce que le messager vous ordonne, vous donne, prenez-le, accomplissez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah, car Allah est douloureux dans son châtiment. مَنْ يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ أَطَاعَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui invente une chose qui ne fait pas partie de notre ordre, de notre enseignement, est à rejeter. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre enseignement est à rejeter. Donc si une œuvre, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى, les œuvres sont de quatre sortes. Une sorte qui est acceptée à gré d'Allah tabaraka wa ta'ala, et trois sortes qui sont refusées, qui sont rejetées. Allah ne les accepte pas. L'œuvre qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'œuvre qui est faite sincèrement et en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. En faisant cela, la personne a appliqué les deux attestations de foi, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième œuvre, c'est une œuvre qui n'est pas faite pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième œuvre, c'est une œuvre qui est faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle est en contradiction avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et la dernière, c'est une œuvre qui est en conformité avec la sunna, mais qui n'est pas faite pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les trois dernières, elles ne sont pas acceptées. Allah ne les accepte pas, il les rejette. Alors, la personne qui les a accomplies. Et la seule qui est acceptée, c'est celle qui est faite sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. وقال تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Si nous leur avions prescrit ceci, tuez-vous vous-même ou sortez de vos demeures, ils ne l'auraient pas fait sauf un petit nombre d'entre eux. S'ils avaient fait ce à quoi on les a exhortés, cela aurait été certainement meilleur pour eux et leur foi aurait été plus affermie. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على الأعمال الصالحة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, qui est notre exemple, même عليه الصلاة والسلام, il appliquer constamment les bonnes œuvres. Wa kana ahabbu al-amal ilayhi adwamuhu wa in qall. Et la meilleure œuvre auprès de lui, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est celle qui persistait dans le temps, même si elle était minime, même si elle était petite cette œuvre, mais c'est une œuvre qu'il faisait en constance, sans arrêt. Wa kana ashabuhu idha amilu 'amalan athbatuhu. Et ce compagnon radiallahu anhum, lorsqu'ils agissaient, lorsqu'ils faisaient des œuvres, ils le faisaient avec raffermissement. Thalithan, troisièmement, tadabburi qasas al-anbiya wa dirasatuha lit-ta'assi wal-amal. Méditer sur les récits des prophètes. Et on remarquera que dans le Coran, à maintes reprises, Allah tabaraka wa ta'ala nous cite les récits des prophètes et des peuples d'auparavant. Pour quelle raison? Pour qu'on médite, pour qu'on y prenne exemple, et aussi pour affermir les croyants, et de les étudier pour y prendre exemple dans le suivi. Et la preuve de cela est dans la parole du Très-Haut. Et dans le sens du verset, nous te citons parmi les récits des messagers pour raffermir ton cœur Et il t'est venu en cela, dans le Coran, la vérité, une exhortation et un rappel pour les croyants. فالآيات تنزل لتثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. Les versets descendent pour raffermir le cœur du prophète صلى الله عليه وسلم وأفئدة المؤمنين معه. De même que les cœurs des croyants qui sont avec lui. مثل قصة إبراهيم وموسى ومؤمني آل فرعون وغيرها. Comme les récits d'Ibrahim عليه السلام, les récits de Moussa alayhi salam, les récits du croyant du peuple de Pharaon, celui qui était dans la cour de Pharaon, et bien d'autres. Rabi'an, quatrièmement, ad-du'a, les invocations. Et ad-du'a, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ad-du'a ou huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Donc, toujours, constamment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Montrer sa faiblesse, sa pauvreté, son besoin à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui lui subhanahu wa ta'ala se passe de tout le monde. Wallahi, jamais les œuvres de ceux des pieux n'a rajouté quoi que ce soit dans son royaume. Et jamais les péchés, les plus grands pécheurs n'a enlevé quelque chose de son royaume. Lorsqu'on fait du bien, c'est pour nous-mêmes. Et celui qui fait du mal, c'est à l'encontre de sa propre personne. Et cela ne rajoute rien à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est nous qui sommes dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même lorsqu'on se sent bien dans la droiture, dans le droit chemin, on est toujours négligent. Il manque toujours quelque chose. On n'atteindra pas la perfection. Le plus pieux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le plus craintif d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'atteindra pas son degré. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, en tout temps, il invoquait son Seigneur. Et il demandait le raffermissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire d'alors de nous, subhanallah? Les compagnons radiallahu ta'ala anhum avaient peur pour leur propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: un tel, un tel, un tel sont au paradis et ils l'entendent. Et c'est le prophète qui leur dit, et avec ça, ils craignent l'hypocrisie. Ils craignent que leurs œuvres ne soient pas acceptées. Subhanallah. Donc c'est un exemple à prendre. Toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne jamais croire qu'on peut s'en remettre à nous-mêmes. Wallah, et celui qu'Allah lui laisse s'en remettre à lui-même, même le temps du clignement de l'œil, il est perdu. Il est foutu. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: wa la takinni ila nafsi tarfata 'ayn. Et ne me laisse pas m'en remettre à ma propre personne, même le temps du clignement de l'œil. Ça, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam. Regardez Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, l'intime d'Allah. Et il dit: wala tukhzini yawma yub'athun. Et ne m'humilie pas le jour où ils seront ressuscités. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Le jour où ni les richesses ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Yusuf alayhi salam, c'est un prophète, fils d'un prophète qui est Yaqub, fils d'un prophète qui est Ishaq, fils d'un prophète qui est Ibrahim, alayhi salatu wa salam, il dit à son Seigneur: tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Fais-moi mourir en tant que soumis et ressuscite-moi avec les vertueux. Fa inna min sifati ibadillahi almu'minin annahum yatawajjahuna ila Allah bid-du'a. Un des aspects des véritables croyants, c'est qu'ils reviennent à Allah avec les invocations. Ils s'en remettent à Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant. An yuthabbitahum, pour qu'il les raffermit. Kama allamana subhanahu an naqul, comme Allah nous a appris, gloire à lui, de dire: Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, dans le sens du verset: ô notre Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. Et même les sahaba radiallahu anhum le disaient: par Allah, si ce n'était pas grâce à Allah, on n'aurait jamais été guidé. On n'aurait jamais accompli de prière. On n'aurait jamais donné de sadaqa. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne cette donation à qui il veut. Donc celui qui a la foi, qui a l'islam, il y en a, ils peuvent dépenser des milliards, ils ne pourront pas l'avoir. Si Allah ne guide pas leur cœur, ils peuvent dépenser tout ce qu'ils ont en, comme richesse, ils ne pourront pas avoir la foi. Et toi, Allah, tabaraka wa ta'ala, te l'a donné. Remercie Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand bienfait. C'est ce qui te sauvera dans ce bas monde et qui te sauvera dans ta tombe et dans l'au-delà. Donc, faut pas croire quand quelqu'un dit, moi, Allah, il m'a rien donné. Comment Allah, il t'a rien donné? Peut-être que la pauvreté est un bien pour toi. Tu auras moins de comptes à rendre au Mal-Qiyama. Allah, il connaît ta personne. Et peut-être qu'en t'enrichissant, tu seras une mauvaise personne. Peut-être que tu vas outrepasser les limites. Donc, aie confiance en ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Fais les efforts dans ce bas monde. Mais tu as cette certitude en Allah, subhanahu wa ta'ala. Ta confiance en ton Seigneur. Et l'essentiel, c'est de mourir en tant que bon musulman. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas d'être riche, d'être pauvre. Ça, c'est des choses de ce bas monde, c'est tout. Ça peut être important ou pas, mais c'est que des choses de ce bas monde. Et ce bas monde n'est qu'un lieu de passage. C'est pas un lieu où on va rester. Ça, c'est pour l'au-delà. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Et l'au-delà est bien meilleur et bien plus durable. Donc, si chaque musulman réfléchissait comme ça, eh ben, déjà, il se faciliterait un peu la tâche. Il arrêtera de s'attrister pour des choses qui n'en valent pas la peine. قال صلى الله عليه وسلم قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء رواه مسلم. Dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم dit: et les cœurs des enfants d'Adam sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux, comme le cœur d'une seule personne, il le tourne comme il veut. Comme akhbara bidhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, an Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, rawahu al-imam Ahmad fi musnadih. Et dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de dire souvent: ô toi qui fais tourner les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion et dans ton obéissance. C'est qui le dit? C'est le maître de tous les humains, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam de tous les prophètes et de tous les messagers alayhi salatu wa sallam. خامساً cinquièmement, ذكر الله, le rappel d'Allah سبحانه وتعالى. وهو من أعظم أسباب التثبيت, et c'est parmi les plus grands moyens pour le raffermissement. وتأمل في هذا الاقتران في قوله عز وجل, et médite sur la parole divine qui va suivre. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, et à chaque fois que le bon musulman entend cette parole, cet appel, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, c'est pas n'importe qui est appelé, ce sont les croyants, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qui croient en Allah et au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se doivent de y prêter oreille. Car c'est soit un ordre qui va être donné, ils se devront de le mettre en pratique. Un interdit qui va être cité, ils se devront de s'en éloigner, de s'en abstenir. Ou alors une information, ils se devront de la confirmer et de l'accepter. Ô vous qui avez cru, lorsque, et ici il est fait allusion dans le combat dans le sentier d'Allah, lorsque vous faites face à l'ennemi, soyez fermes. Et rappelez-vous d'Allah abondamment afin que vous réussissiez. فَجَعَلَهُ مِنْ أَعْظَمِ مَا يُعِينُ عَلَى الثَّبَاتِ فِي الْجِهَادِ. Donc Allah a fait du dhikr, le rappel d'Allah en abondance, un des plus grands moyens pour être ferme dans le combat, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sadisan, sixièmement, الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, de prêcher, d'appeler à Allah Azza wa Jal. Et ici, c'est un terme général, mais il faut préciser, chacun selon ses capacités, chacun selon ses moyens, et la personne n'outrepasse pas ses limites. C'est un terme qui est général. Quelqu'un, en parlant avec son voisin, avec un membre de sa famille, avec un collègue de travail, c'est une da'wah. En nous donnant un ouvrage sur l'islam, c'est une da'wah. Une audio, c'est une da'wah, et ainsi de suite. Donc ici, quand on dit le prêche, c'est dans ce sens général. وَهِيَ وَظِيفَةُ الرُّسُلُ وَأَتْبَاعِهِمْ. Et le prêche à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la mission de qui? La mission des messagers et des prophètes et de leurs suiveurs. قَالَ تَعَالَى, le Très-Haut a dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dans le sens du verset, dit ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voici mon chemin, j'y appelle à Allah, j'y appelle pas à ma propre personne, à mon groupe, à ma secte et ainsi de suite, non, j'y appelle à qui? À Allah, car c'est la religion de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Je montre le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le véritable prêche. Sur une clairvoyance, sur une preuve évidente, non pas sur une ignorance. Je sais ce à quoi j'appelle. Moi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui me suivent. Donc c'est qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala sur une clairvoyance? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tous ceux qui ne suivent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appellent pas à Allah, premièrement, et ne sont pas sur une clairvoyance, deuxièmement. Et gloire à Allah, il purifie Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui lui est impropre. Et je ne suis point des polythéistes. وَالْعَبْدُ إِذَا حَرَصَ عَلَى هِدَايَةِ الْخَلْقِ. Et le serviteur, s'il a cette volonté, ce vouloir de la guider des créatures, فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ ثَوَابَهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ فَيَزِيدُهُ هُدًا وَثَبَاتًا عَلَى الْحَقِّ. Subhanallah. Donc la personne qui fait ce bien, qui veut la guider pour les gens réellement, eh ben, il sera récompensé par la même chose. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donnera de la guider. Et il lui donnera le raffermissement. Et ça, c'est une récompense pour cette personne. Comme a dit ta'ala, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Comme le Très-Haut a dit, est-ce que le bien ne peut être rendu que par le bien? سَابِعًا, septièmement, الرِّفْقَةُ الصَّالِحَةُ, la bonne compagnie. D'avoir des amis bons, des amis vertueux, des amis pieux. Plus ton entourage, il sera bon, il sera droit, et plus il y a de chances que toi aussi, tu seras comme eux. Ils vont influencer sur toi, ils t'empêcheront d'aller dans le mal. Mais si c'est le contraire, et même si à la base tu es quelqu'un de droit, et tu es avec des personnes mauvaises, à un moment ou l'autre, tu vas fléchir, tu vas dévier, tu vas faiblir, et tu risques de dévier de la droiture. Bon, on me dit que c'est déjà l'heure. Tayyib, on termine avec ce point-là. Inch'Allah, un autre point qui est as-sabr, la patience. Et la patience, on en a besoin pendant toute notre vie. Celui qui n'a pas de patience ne pourrait pas être bien dans sa religion. La patience, tu te dois de l'avoir lorsque tu agis en bien, lorsque tu adores Allah, tu te dois d'avoir de la patience là-dedans, dans ton adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ton obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te dois d'avoir de la patience à l'encontre de la désobéissance, des interdits, en t'abstenant, en t'éloignant de ces choses-là. En toute chose, il t'est demandé d'avoir de la patience. فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الثَّبَاتِ عَلَى دِينِ اللَّهِ C'est parmi les plus grands moyens pour être raffermi dans la religion d'Allah. قَالَ تَعَالَى Le Très-Haut a dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Ô vous qui avez cru, aidez-vous, cherchez de l'aide avec la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال d'après ابو سعيد الخدري رضي الله عنه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit من يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر celui qui fait les efforts d'être patient Allah lui donnera la patience et une personne il ne lui a pas été donné une chose de meilleure et de plus grande que la patience. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال d'après Abu Tha'laba al-Khushani رضي الله عنه qui dit que le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il a parlé après avoir parlé de l'ordre d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable il dit فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامُ الصَّبْرِ الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله قال يا رسول الله أجر 50 منهم قال أجر 50 منكم رواه أبو داود في سننه donc il dit Abu Tha'laba al-Khushani que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit viendront des jours après Ce sont les jours de la patience. Celui qui patientera ces jours-là, c'est les jours à venir. Et on vit ces époques-là. C'est comme celui qui tient dans sa main une braise de feu. Quelqu'un pourrait tenir une braise de feu dans sa main? Combien de temps il va la tenir? Eh bien, tenir sa religion, ça équivaut à ça. Subhanallah. C'est un combat. C'est un combat de tous les jours. On veut vous enlever votre religion, vous la gardez. Le temps de votre vie dans ce bas monde pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sainement comme il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala mais regardez la récompense celui qui met en application ces jours-là il aura la même récompense que 50 hommes qui font les mêmes œuvres que lui alors le compagnon a dit au messager d'Allah 50 hommes parmi eux Il a dit non, parmi vous, les compagnons. Et la même récompense que 50. Parce que eux, ils n'auront pas cette aide qu'ils avaient les compagnons. Ils avaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec eux. Et puis ils étaient tous dans la droiture. Ils s'entraidaient les uns les autres. Et viennent des moments où la personne, parfois, elle se retrouve toute seule. Subhanallah. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin